Collège de France, les cours sont libres, c'est-à-dire que viennent les écouter les gens qui veulent, n'importe qui. De sorte que, finalement, quel est celui qui est examiné? Quel est celui qui est sous le pouvoir de l'autre? Moi, je dirais qu'au Collège de France, c'est celui qui enseigne. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation au naturel, non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France, auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Qu'est-ce qu'un transmigrant? Comment la question du transnationalisme entre-t-elle dans les théories de la migration qu'analyse cours après cours François Héran? Agrégé de philosophie, longtemps démographe sociologue à l'INSEE et l'INED, François Héran, titulaire de la chaire Migration et Société, se partage désormais entre le Collège de France et la direction de l'Institut Convergence Migration. Dans le cadre de sa nouvelle série « Pourquoi migrer ?», il propose d'interroger les facteurs déterminants des migrations. La semaine passée, il a présenté les recherches majeures du démographe Douglas Massé, qui a rassemblé dans les années 1990 les nombreux travaux sur les ressorts des migrations dans une approche interdisciplinaire. Si François Héran présente une lecture critique au sens d'examen des différentes théories de la migration, il s'attache surtout à rendre, au-delà des modèles et des affrontements de méthodes, la complexité des phénomènes et le caractère vivant du phénomène migratoire qui demeure un processus selon son mot. Déjà dans le cours précédent, il a introduit une première fois les travaux d'Alain Tarius et la figure du transmigrant que nous allons retrouver ce matin. Il indiquait, je le cite, « Une partie de la théorie de la segmentation du travail va se développer sur la question du transnationalisme. » Le transnationalisme est un courant très puissant des études migratoires qui consiste à documenter de façon précise par des enquêtes ou par une observation ethnographique le fait que les migrants, finalement, même s'ils sont installés dans un pays autre, continuent d'entretenir des liens avec le pays de départ. Ces liens peuvent être bien sûr les transferts financiers, ça c'est un lien fondamental. Ces liens peuvent être des communications à distance. Vous avez maintenant un grand nombre de migrants qui utilisent Skype pour communiquer à distance. Lorsque le transnationalisme se rattache à la théorie de la segmentation du travail, il peut se développer aussi en ce qu'on appelle la théorie historique structurale. C'est également ce qu'on appelle la théorie du système monde, world system. C'est l'idée que cette segmentation du marché du travail peut avoir aussi une traduction planétaire, mondiale, qui est la distinction entre le centre et la périphérie. Le centre, ce sont les pays occidentaux. Le centre du centre, ce sont les grandes métropoles mondiales, comme New York, Londres, Toronto. Et ça, c'est le grand thème de recherche de Saskia Sassen, dont nous découvrirons les travaux en deuxième partie ce matin. Nous retrouvons aujourd'hui toutes ces questions en gagnant le Collège de France le 31 janvier 2019 pour le cours de François Héran, Pourquoi migrer, 7e opus. Je vais vous parler du travail d'Alain Tarius sur les migrations. Alain Tarius, qui a exploré les formes souterraines de la migration internationale. À l'Université de Toulouse-le-Mirail, Alain Tarius a été professeur de sociologie et d'anthropologie urbaine de 1993 à 2006. C'est une œuvre copieuse, originale, à nul autre pareil, et c'est aussi une œuvre qui a le mérite de prêter à discussion. Et puis, je voulais aussi montrer que je lis évidemment les auteurs français, j'ai beaucoup parlé d'auteurs étrangers américains, les auteurs français ont considérablement travaillé, et leur littérature, parce qu'elle n'était pas en anglais, disparaît des bibliographies internationales, ce qui est profondément injuste. Alors, l'œuvre d'Alain Tarius date un peu désormais, puisque le travail de terrain a été accompli pour l'essentiel des années 80 aux années 2000, mais c'est un point secondaire, peu importe que les travaux soient datés, du moment qu'ils ont fait date, et du moment qu'on puisse comprendre à la fois pourquoi ils ont fait date et pourquoi ils sont datés. Donc, quand je reviens sur les travaux d'un chercheur, c'est pas pour les noter, il serait outrecuidant de ma part de distribuer des points, mais c'est pour le lire aussi sérieusement que possible et remettre sa méthode et ses découvertes en perspective. Et nous essayons ici d'embrasser le spectre très large des théories de la migration. C'est un archipel très vaste qu'il faut tenter de cartographier dans l'espoir d'y trouver notre chemin. Nous avons déjà en main la carte provisoire du comité Massé que je vous ai présentée dans les dernières séances. Voilà la liste des grandes théories identifiées par le comité Massé dans les années 93, liste qui fait référence. Mais nous avons déjà vu qu'il fallait la corriger. La nouvelle économie des migrations, notamment, n'est pas une terre séparée. Elle se rattache au continent néoclassique avec ses différentes contrées. Toutes les îles n'ont pas la même taille ni la même hauteur, mais chacune a sa place. Et il me semble intéressant de replacer les œuvres les plus significatives dans l'ensemble des multiples façons d'aborder la question migratoire. Et c'est ainsi, cette année du moins, que nous pourrons éclairer aussi le phénomène migratoire lui-même, bien sûr. Alors, je vous invite à consulter la page d'Alain Tarius sur le site du laboratoire Migrinter de Poitiers. Migrinter, c'est l'une des deux grandes unités du CNRS qui travaille de longue date sur les migrations. Unité mixte entre le CNRS et l'Université de Poitiers. Dans son livre sur la mondialisation par le bas, publié à plus de 15 ans, en 2002, Tarius a rendu compte du très patient travail d'immersion que lui-même et ses équipes ont effectué en suivant des circuits commerciaux organisés par les migrants entre les pays d'origine, les pays de destination et les pays de transit. Il s'agit d'acheter, de concentrer, de revendre à une frange plutôt pauvre de la diaspora des marchandises hétéroclites, pièces de rechange, appareils électroménagers, produits alimentaires, vêtements, contrefaçons diverses. Et Tarius suit leur parcours au Maroc, dans le sud de l'Espagne, à Barcelone, à Marseille, à Perpignan. Et ces itinéraires sont jalonnés d'une série de dépôts. Et Tarius suit tout ce petit commerce d'étape en étape, y compris et surtout, évidemment, dans les passages de frontières qui n'ont pas l'air de poser trop de problèmes aux intéressés. Et ces intermédiaires infatigables du commerce ethnique, Alain Tarius n'hésite pas à les qualifier de fourmis, parce que les colonnes de fourmis sont capables de traverser les murs en exploitant les moindres failles du système, les moindres fissures. Un autre de ses livres, d'ailleurs, porte ce titre, « Les fourmis d'Europe ». Et Tarius usera aussi d'un terme plus élégant, « les transmigrants ». En ces années 90, il pense encore que ces filières souterraines échappent aux griffes de la mafia, comme aux tentatives d'infiltration des groupes islamistes. Il évoluera sur ce point, puisqu'il consacrera ensuite plusieurs monographies aux migrations criminelles. Ça fait partie également de ses sujets. Mais en ces années 90, donc, il voit dans ces transmigrants les acteurs d'une mondialisation par le bas qui se joue des obstacles posés par les politiques migratoires, par les politiques étatiques. Et la même thèse inspire l'un des derniers ouvrages de Tarius, « La remontée des Suds ». Alors voici la mondialisation par le bas, avec une préface de Vieviorca, je vais vous en parler assez longuement. Mais il y a aussi « La remontée des Suds, Afghans et Marocains en Europe méridionale ». Alors, je vous lis cet extrait de la quatrième de couverture de « La remontée des Suds », des circulations nationales bien connues. Les migrations évoluent aujourd'hui massivement vers des mobilités transnationales. Donc là, Tarius essaie de se raccrocher évidemment à des théories plus générales. Ces transmigrants réalisent, souvent pour des firmes multinationales, mais ce raccord n'est pas très clair, une part non négligeable de la mondialisation des échanges par le bas. Les qualités requises de ces fourmis de l'économie souterraine concernent le savoir circuler, le savoir passer les frontières, le savoir-faire réseau, plutôt que l'intégration des normes et des valeurs de telle ou telle nation. Et dès lors, apparaissent en Europe et dans le monde des territoires originaux, je continue de vous citer la quatrième de couverture de ce livre, comme superposés au découpage politique contemporain, articulés aux villes qu'ils commencent à transformer et connectés aux principaux lieux des trafics criminels. Bon, vous voyez que c'est assez particulier comme thématique, et face à ce type d'investigation et de théorie, le lecteur qui s'intéresse aux ordres de grandeur et qui est un tant soit peu sensible à la contrainte de représentativité, ce qui est mon cas, ne manque pas de s'interroger. quel est le poids de cette minorité laborieuse dans l'ensemble de la migration? Quel est son poids dans la consommation locale des immigrés? Est-il, ce mouvement circulaire, est-il réellement susceptible de mettre en cause les chances d'intégration des immigrés dans nos sociétés? Alors, la méthode adoptée par Tarius ne permet pas de savoir, car il s'agit d'une ethnographie, multisituée, comme on dit de nos jours, qui essaie de suivre au plus près les parcours des migrants. Et on est frappé, en le lisant, de constater aussi à quel point les milieux qu'il décrit sont fermés. Ce sont des réseaux commerciaux qui marchent à la confiance, mais aussi au contrôle croisé le plus serré. Il n'y a pas de contrat écrit, et ceux qui manquent à leur parole sont écartés du réseau. Alors la mondialisation par le bas, qui se traduit notamment par les sonneries de téléphone portable pendant les cours, s'ouvre sur une préface généreuse de Michel Viviorca, sociologue bien connu. Et Alain Tarius nous explique, Michel Viviorca, qui est toujours attentif aux nouvelles formes de mobilisation sociale, Alain Tarius, dit-il, ne s'occupe pas des entités qui mondialisent le capitalisme par le haut, à savoir les sociétés multinationales, les organisations internationales du genre FMI, Banque mondiale, Organisation mondiale du commerce. Il s'applique à décrire en détail une face souterraine et silencieuse de la mondialisation. Et voilà, c'est ça l'objectif d'Alain Tarius. Et les deux étages de cette mondialisation, eh bien finalement, ont en commun de contourner les États, c'est la thèse, l'une par le haut, l'autre par le bas. Mais contrairement à Saskia Sassen, dont je parlerai longuement tout à l'heure, contrairement à Alejandro Portes ou à Douglas Massey, l'auteur de la mondialisation par le bas ne cherche pas à établir un lien de cause à effet, ou en tout cas il n'y fait que de brèves allusions, entre les deux étages de la mondialisation. Savoir par quel biais la mondialisation déstructure les sociétés traditionnelles du Sud, pousse leurs habitants à émigrer, c'est une question, une vaste question, trop vaste sans doute, que Tarius laisse de côté. Il ne décrit pas non plus les souffrances des migrants, comme le faisait Abdelmayek Sayad. Il campe des migrants qui sont acteurs de leur destin, qui sont à l'aise ici et là, à la fois ici et là, et qui sans cesse circulent entre ici et là-bas. Ce ne sont finalement ni des immigrés, ni des émigrés, mais, comme il le dit, des transmigrants. Et c'est ce qui autorise Alain Tarius à revendiquer, je crois avec justesse, sa position de pionnier dans le développement des recherches transnationalistes, qui est un grand courant de recherche sur les migrations. Toujours dans sa préface, Viviorca donne du relief à une thèse que Tarius ne tire pas directement de ses observations, mais qui relève plutôt, me semble-t-il, d'une extrapolation. Les transmigrants sont, je cite, des jeunes des quartiers populaires pour qui le discours sur l'intégration est un leurre. Ils ne croient pas aux belles promesses portées par la devise de la République. Et Viviorca de conclure, mieux vaut, semble dire Alain Tarius, participer à la mondialisation par le bas que s'évertuer à s'intégrer dans une société d'exclusion qui est aussi une société fermée. Je termine donc la citation de Viviorca et résumant Tarius. En somme, cette nouvelle société nomade, c'est un des mots clés d'Alain Tarius, ne mettrait pas seulement au défi les frontières de l'État, mais aussi les valeurs de la République. Et vous vous souvenez donc de cet autre passage où Tarius explique que les fourmis de l'économie souterraine doivent savoir faire réseau, passer les frontières, plutôt que d'intégrer les normes et valeurs d'une autre nation. Alors pour le dire franchement, je ne suis pas convaincu par les multiples passages où Tarius célèbre dans les transmigrants les pionniers d'une forme de cosmopolitisme et de métissage qui pourrait préfigurer notre destin à tous. Dans les pratiques qu'il décrit avec un luxe de détails, je verrais plutôt un nouvel avatar des formes anciennes de colportage à travers les frontières, comme ils ont toujours existé, ou ont beaucoup existé au XIXe siècle, pour s'en tenir à des exemples français. C'est ce qu'on peut observer sur les routes transalpines, transpyrénéennes ou le long des côtes méditerranéennes. Et il suffit de regarder les choses avec le recul de l'historien pour être évidemment davantage sensible aux continuités qu'aux ruptures, comme l'a rappelé l'historienne des migrations Nancy Green dans un article critique sur le courant transnationaliste. Qu'y a-t-il réellement de nouveau dans le va-et-vient du petit commerce ou du petit trafic frontalier, en quoi se distingue-t-il ou se rapproche-t-il de ce que font les gens du voyage, par exemple. Et je rejoins tout à fait sur ce point le compte-rendu critique de la mondialisation par le bas, qui était publié à l'époque, en janvier 2004, par Mustapha Arzoun. C'est le talentueux responsable de la chronique des livres dans la revue Hommes et Migrations du Musée national de l'histoire de l'émigration. Et s'il est vrai qu'une fraction des migrants se livrent au commerce ethnique, à l'import-export de moyenne portée, s'ils rendent ainsi des services aux diasporas, on ne saurait en conclure que la majorité des migrants renonceraient de la même façon à s'intégrer dans la société d'accueil sous prétexte qu'ils entretiennent des liens persistants avec la société d'origine. Et on a beau suivre l'ethnographie minutieuse des fourmis transmigrantes, rien ne permet de conclure que ce nouveau modèle de migration devrait remplacer un jour, ce qui est quand même la thèse avancée, le modèle classique d'une migration durablement installée et intégrée. Et comme Mustapha Arzoun dans son compte-rendu, je suis sensible au fait que les réseaux d'échange observés par Tarius se signalent davantage par la clôture que par l'ouverture. Et que les femmes notamment, et ça transparaît à travers toute une série d'interviews, les femmes y jouent un rôle généralement subalterne. Alors, si les transmigrants nomades, toujours liés au pays d'origine, s'opposent aux immigrés sédentaires qui se contentent de cultiver des liens avec leur pays, mais s'intègrent au pays hôte, on pourrait symétriquement, que ne fait pas Tarius, on pourrait symétriquement s'intéresser à une troisième catégorie de migrants, celle des femmes et des hommes qui, délibérément, ont coupé tout lien avec le pays d'origine, parce que leur projet migratoire était précisément d'accomplir une migration de rupture ou d'émancipation. Ça, c'est quelque chose dont on parle très peu, mais qui existe également. Je m'étendrai donc le moment venu sur ce ressort très important de la migration, mais généralement négligé, et qu'il me suffise de dire pour l'instant que les pratiques transnationales existent, c'est entendu, et on a maintenant des enquêtes qui les décrivent en détail, mais on ne voit pas pourquoi elles excluraient les autres formes de migration et deviendraient fatalement dominantes. À l'expérience, la migration internationale ne se réduit pas à la circulation, à la mobilité, comme on l'a beaucoup dit ces 15 dernières années, elle débouche aussi, dans la majorité des cas, sur le peuplement. Pour fixer des idées, en gros, les deux tiers des migrants se fixent, ont des enfants, et c'est ce qui fait que nous sommes dans une société où un quart, quasiment, de la population est soit immigré, soit enfant d'un ou deux immigrés. Donc c'est bien qu'une partie non négligeable, à peu près les deux tiers, de toute cette circulation ou mobilité internationale, se dépose en quelque sorte définitivement dans le pays d'accueil, même s'il peut encore y avoir, bien sûr, des va-et-vient. Donc, de la même façon, le transnationalisme donc, existe, mais il entre en concurrence avec ce qu'on pourrait appeler l'ex-nationalisme ou la migration plénière, comme on parle d'une adoption plénière par rapport à une adoption simple, c'est-à-dire qui coupe vraiment définitivement les liens avec la société d'origine. Donc, la tâche de la sociologie des migrations n'est pas de prophétiser l'effacement d'un modèle de migration au profit d'un autre, et encore moins de les juger à l'aune d'une norme nationale. Je crois qu'une pluralité de modèles coexiste, et la vraie question de recherche, c'est de savoir dans quelle proportion, pour quelles raisons, comment on peut passer éventuellement d'un modèle à l'autre, au niveau individuel, au cours de l'existence, et tout cela avec quelles incidences sur les sociétés d'origine et les sociétés de destination. Et donc, cette analyse étant faite, nous sommes mieux armés, je pense, pour saisir l'originalité et la portée de la profession de foi qu'Alain Tarius a publiée sur le site du laboratoire Migrataire. Alors, je vous en cite quelques extraits. Orientation de mes recherches, sociologue et anthropologue d'inspiration compréhensive et phénoménologique, donc c'est l'idée qu'il n'y a pas expliquer les comportements par des analyses statistiques qui rapporterait les comportements à des données objectives. Il s'inspire d'une sociologie à la Max Weber, compréhensif et phénoménologique, c'est un peu cela que ça veut dire. Je tente de saisir l'expression actuelle de mouvance, population migrante en premier lieu, s'incarnant dans des espaces et des territoires transnationaux, donc tous ces mots sont un peu codés maintenant dans la science des migrations, et perpétuant les tensions de leur mobilité et de leurs ancrages. L'idée aussi que ces filières, ces chaînes de migration, finalement, ont un effet de perpétuation. La migration s'auto-reproduit par cette circulation. Ça, c'est un thème sur lequel nous reviendrons longuement en revenant à la théorie de Douglas Massey. Le cadrage de mes recherches, poursuit Tarius, est celui de la mobilisation d'une force de travail internationale mobile en phase avec l'omniprésente mondialisation-globalisation. Alors ça, c'est encore à voir. Cette connexion-là ne me paraît pas du tout ressortir de ces observations. Les mots-clés de mes recherches, mobilité, migration, frontières, cosmopolitisme, les collectifs que je prends à témoin sont formés de migrants, riches ou pauvres, ethniques ou non, officiels ou souterrains, transitant des produits d'usage licite ou illicite. Et puis, ça se poursuit encore un peu, mes investigations visent surtout à comprendre, alors je ne cite que des extraits, hein, les changements intervenus chez les migrants dans l'espace-temps du parcours migratoire, le transmigrant, souvent décrit comme ethnique à son départ, découvre l'altérité lors de nouvelles proximités affectives, de collaboration professionnelle, à l'occasion des passages de frontières, des étapes urbaines. Je m'applique à construire des notions nouvelles, à même de permettre la description de ces mouvements, paradigme méthodologique de la mobilité 1988, ce qui évidemment revient à dire qu'il était un des pionniers à parler de la mobilité, thème qui ensuite s'est répandu, enfin, a été extrêmement valorisé dans la recherche anglophone, et d'en saisir les empreintes dans les processus de mondialisation, territoire circulatoire, et il se réfère à un livre de 1991. Alors, cette profession de foi, elle soulève un problème classique dans les sciences sociales, dans les sciences d'observation intensive, comme l'anthropologie, l'ethnologie, la sociographie. Il faut, d'un côté, décrire le travail de terrain, il faut situer les lieux et les moments de ce travail, qui sont forcément limités, mais de l'autre, il faut tenter de raccorder ce terrain à une problématique plus large, à une théorie générale. C'est un peu la question de Jules Verne dans L'île mystérieuse, île ou continent? Mon terrain n'est-il qu'une île parmi d'autres, où j'ai échoué un peu par hasard, ou bien est-ce l'amorce d'un continent? Puis-je donner à mes observations de terrain une portée plus général, un caractère de nécessité. Et l'anthropologue, évidemment, se résigne difficilement à n'apporter qu'une petite pièce dans le puzzle général de l'anthropologie, qui est maintenant de taille mondiale. Le grand puzzle de la recherche, il est maintenant établi à l'échelle mondiale. Alors, j'ai eu l'occasion de m'en apercevoir. À l'époque, je faisais ma thèse d'État sur l'histoire des systèmes de parenté, ou l'histoire de la formalisation des systèmes de parenté. J'ai lu quelques centaines de monographies ethnologiques qui concernaient tous les continents. Et c'était impressionnant de voir les efforts désespérés et quelquefois réussis de certains auteurs pour faire de leur île un continent, pour monter en généralité, comme on dit maintenant, à partir d'une base empirique qui est forcément très réduite. Quand le terrain des anthropologues se situait encore dans les pays du Sud, c'était un redoutable défi de montrer que les observations menées sur un terrain très singulier, telle île du Pacifique, telle tribu australienne, tel royaume d'Afrique subsaharienne, telle sous-caste de l'Inde du Sud, tel peuple des basses terres amazoniennes, etc., pouvaient déboucher sur la création d'un nouveau paradigme dans les études de parenté. Comment extraire l'universel du singulier? En quoi les Arendas, les Pramalaikallar, les sociétés des Samoa, l'île de Yap, les Barouya, les Samo de Haute-Volta, les Yanomami, les Achuar et bien d'autres groupes humains, en quoi peuvent-ils nous intéresser? Et c'est le privilège des grands ethnologues, évidemment, d'établir cette connexion en montrant de quelle façon le cas particulier complète, dérange ou bouleverse la typologie possible des formes sociales. En l'occurrence, c'était les systèmes de parenté. Et évidemment, ça a été aussi la force d'un Lévi-Strauss de ne pas passer sa vie à faire des monographies. Il a peut-être passé 3 ou 4 mois sur le terrain, en tout et pour tout, quand on additionne ses séjours sur le terrain, mais d'avoir choisi un autre type d'ethnologie, qui est la synthèse des monographies et le dégagement de toute l'architecture générale des systèmes à partir des monographies d'autrui. Alors, faire de son île un continent, quand on s'attelle à un travail d'observation minutieux mais très localisé, c'est évidemment un exploit d'autant plus remarquable que le choix du terrain, il faut bien le dire, dépendait quand même généralement de l'existence de relations coloniales, de la répartition arbitraire des territoires entre les diversités. Je me souviens que lorsque j'étais ethnologue en Bolivie, chez les Indiens Aymara, une de mes vies antérieures, j'ai discuté un jour avec le responsable local d'une communauté et je lui demandais s'il avait déjà vu d'autres chercheurs que moi sur... Et il me disait, ah bah oui, de toute façon, on a tous vu des chercheurs américains, parce que toutes les universités américaines se sont réparties la Bolivie. Et il ajoutait, en espagnol, « A nosotros nos tocó la Universidad del Wisconsin ». C'est-à-dire que nous, ben, on est tombés sur l'Université du Wisconsin. Et régulièrement, il recevait des doctorants, des étudiants, etc., parce que toute la Bolivie, qui n'est pas un immense pays, enfin, immense du point de vue du territoire, mais qui n'était pas très peuplé, venait de dépasser les 10 millions d'habitants à l'époque. Elle va être donc partagée entre les centres de recherche américains et toute l'Amérique latine. Mais c'est pareil pour les ONG aussi. Donc, évidemment, c'est par hasard que, ou c'est parce qu'il y a un partage comme ça du territoire entre les universités ou entre les anciennes métropoles que je me retrouve sur tel ou tel terrain, mais j'arrive, malgré cette contingence, à en tirer des conclusions générales qui vont bouleverser la discipline. Alors, je termine là-dessus. Hommage donc au formidable travail de terrain accompli naguère par Alain Tarius sur les circuits commerciaux de la transmigration, mais forte réserve par rapport à la tentation de l'ériger en un modèle de portée générale qui aurait vocation à anticiper ce que pourrait être, ou même ce que devrait être, le nouveau modèle dominant d'émigration. C'est une de mes devises pour la recherche en général, ni prédiction, ni prédication. Essayons déjà de décrire la pluralité des choix possibles et d'observer l'ensemble des comportements existants en matière de migration. Le Collège de France et France Culture vous présente le démographe sociologue François Héran, sa série « Pourquoi migrer ?» La même question se pose à une autre échelle à propos d'un auteur que j'ai évoqué à plusieurs reprises la semaine dernière, Saskia Sassen. Dans la typologie des théories de la migration tressée par Douglas Massey et son comité, elle figure en bonne place comme une pièce majeure de la théorie systémique des migrations, qui est également qualifiée de théorie structurale historique. Alors, systémique, bon, on peut avoir une foultitude de sens, mais enfin, là, c'est, disons, chez Saskia Sassen, c'est systémique au sens où tout fait système à l'échelle mondiale. Ce que vit chaque paysan déraciné, chaque exilé dans un camp, chaque travailleur immigré usé avant l'âge, et même chaque prisonnier des geôles états-uniennes, du système carcéral américain, tout ça a une source unique, centrale, souterraine. Alors l'idée de la cause souterraine revient là. Et cette cause unique, c'est l'action prédatrice des grands acteurs de la globalisation financière et marchande concentrés dans des villes globales. C'est une expression qu'elle a rendue célèbre. Les villes globales comme New York, Londres, Tokyo et même Paris. La thèse est radicale, elle a connu, elle connaît encore un succès phénoménal. Les productions de Saskia Sassen cumulent un nombre prodigieux de citations dans Google Scholar. Et c'est un paradoxe, l'entreprise intellectuelle de Saskia Sassen a désormais l'envergure de cette mondialisation qu'elle prend pour cible. Et la meilleure façon de la mesurer, c'est encore de recourir aux instruments de benchmarking forgés par les GAFA, comme Google Scholar. Alors, avec Saskia Sassen, on se situe à mi-chemin, et ça, c'est toujours compliqué, je vais essayer de m'expliquer là-dessus, on se situe à mi-chemin de l'essai et de la recherche, ce qui n'est pas un défaut en soi, mais requiert une vigilance particulière. Pierre Bourdieu avait l'habitude d'opposer la rigueur du travail scientifique aux facilités de l'essayisme, comme il aimait à dire la thèse et la foutaise. Mais à l'expérience, on ne peut pas se contenter d'une dichotomie aussi sommaire, si parlante soit-elle, parce que les choses sont malheureusement plus compliquées. Et moi qui dirigeais un organisme de recherche pendant 10 années, j'ai vu tous les profils de chercheurs, toutes les façons de faire. Et certains font de l'essayisme, d'autres font de la recherche, d'autres font les deux. C'est compliqué, cette affaire. Au fond, un essai imaginatif qui s'appuie sur des éléments d'information solides, même s'ils sont de seconde main, peut s'avérer extrêmement stimulant pour la recherche. Tandis qu'à l'inverse, un travail scientifique de routine, qui est enfermé dans les problématiques internes, dans les problématiques du milieu, peut s'avérer tout à fait stérile. Donc c'est un sujet qui mériterait une étude en soi. Les articles de Saskia Sassen, de même que ses ouvrages, regorgent d'informations détaillées, actualisées, prises généralement sur plusieurs continents, ce qui est très impressionnant. Sur ce plan, la méthode est indéniablement scientifique. Elle s'appuie souvent sur un travail d'équipe remarquablement organisé. Elle a su mobiliser les ressources des agences de recherche nationales ou internationales. Mais là où l'essayisme reprend le dessus, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer, c'est quand il s'agit au fond de lier en gerbe un peu tous les faits qui ont été glanés à la surface du globe et de retracer des liens de causalité, ce qui est quand même un des objectifs de la recherche. Alors un mot au préalable pour prévenir une objection. Saskia Sassen revient de loin, elle est la fille d'un journaliste néerlandais, Willem Sassen, qui a collaboré avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, est entré dans les SS, est venu correspondant de guerre sur le front russe, pour le compte de la propagande allemande. Il s'est réfugié en 1948, quand la petite Saskia avait un an, et là il a retrouvé et fréquenté assidûment des criminels nazis d'importance, dont Adolf Eichmann. Il existe une longue interview d'Adolf Eichmann par Willem Sassen, qui figure dans les pièces du procès d'Eichmann à Jérusalem, et que cite Anna Arendt. Donc la jeune Saskia garde des souvenirs des visites d'Eichmann dans la maison familiale. Elle se souvient aussi de la peur bleue qui a saisi tout ce petit milieu quand les Israéliens ont capturé Eichmann. Et sans s'étaler sur ce sujet évidemment douloureux, Saskia Sassen s'en est expliquée dans diverses interviews. Elle a très tôt pris son indépendance du milieu familial. Elle s'est formée aux États-Unis, mais aussi une année durant en France. Je crois que c'est l'université d'Orléans ou de Tours, je ne me souviens plus très bien, si bien qu'elle s'exprime fort bien en français, avant de s'imposer rapidement dans le système universitaire américain et britannique. Les lieux où elle a enseigné sont successivement Harvard, Chicago, Columbia et la London School of Economics. Il serait vain, me semble-t-il, comme certains ont essayé de le faire, de spéculer sur ce que sa vision du monde ou son mode de fonctionnement devrait au modèle paternel ou inversement au contre-modèle paternel, tant il est facile de retourner dans le sens attendu les raisonnements psychologiques ou psychanalytiques. Il est certain que le personnage a une force de caractère hors du commun et ne laisse absolument pas indifférent. Alors parcourons l'œuvre abondante de Saskia Sassen pour en donner une vue d'ensemble. 4 de ses ouvrages, il y en a bien d'autres, y compris des recueils collectifs, mais 4 de ses ouvrages jalonnent son parcours, que je vais caractériser de façon succincte, en reprenant parfois ses propres formules, mais je vais évidemment essayer de prendre du recul. Il y a d'abord, en 1988, le premier ouvrage, « La mobilité du travail et du capital », publié aux presses universitaires de Cambridge. Cambridge, Massachusetts, le Cambridge américain. Dans ce premier ouvrage, Saskia Sassen développe une thèse préexistante, à savoir que l'investissement étranger dans les pays du Sud, loin de tarir l'émigration, comme on l'imagine souvent, l'amplifie. Et l'amplifie fortement si cet investissement se concentre dans des secteurs à forte intensité de main-d'œuvre. Ça peut déstructurer tout le milieu agricole, par exemple. Et dès cet ouvrage, Sassen va adopter une vision très négative du développement. Au fond, le développement soutenu par les pays occidentaux aggrave le sous-développement. Enfin, c'est quasiment ça la thèse. C'est un peu l'effet pervers tel qu'il existait déjà chez Marx avec l'autodestruction du capitalisme. Donc l'extension du capitalisme se poursuit en régime post-colonial et il aboutit à détruire les économies traditionnelles et du coup à déplacer de force les populations. Et c'est ça, le ressort principal de la migration dans ce modèle, c'est les bouleversements, la déstructuration profonde des milieux locaux traditionnels par les avancées du capitalisme, par exemple du capitalisme minier. Donc, chez Saskia Sassen, toute migration du Sud est finalement largement une migration forcée, un « displacement ». L'idée sera poussée plus tard à l'extrême, on le verra tout à l'heure, lorsqu'elle parlera finalement d'un vaste mouvement d'expulsion. Le deuxième ouvrage, qui a eu un succès phénoménal, qui a valu à Saskia Sassen d'être invité dans les grandes villes du monde entier, c'est « La ville globale » ou « La ville mondiale ». Dans ce second livre, et suivant une stratégie qui est assez classique dans le monde de la recherche, mais qu'elle pousse quand même très loin, Saskia Sassen présente une thèse soi-disant dominante, qui lui sert de repoussoir pour mieux faire ressortir sa propre vision des choses. On pouvait croire, dit-elle, que le regroupement des populations dans les centres urbains présenterait de moins en moins d'intérêt avec l'intensification des échanges, la fluidité des capitaux, la circulation immatérielle de l'information, la délocalisation des industries dans les pays à bas salaire, etc. Or, cette complexité accrue du système capitaliste mondial a provoqué, à des fins de gestion, un mouvement inverse de concentration des fonctions de décision et d'intermédiation dans des centres urbains névralgiques, qui sont les villes-mondes ou les villes globales, telles New York, Tokyo, Paris, etc. Et donc, ça va déclencher aussi des migrations de travail hautement qualifiées vers ces grandes villes. Ces centres dirigent leurs activités à distance et sans se soucier des frontières nationales. Les États, et ça c'est une thèse, un point sur lequel Saskia Sassen insiste toujours, les États ne disparaissent pas pour autant, mais ils deviennent en quelque sorte les bras armés de ce système international. Ils sont en quelque sorte minés ou phagocytés par les agents de la globalisation, tout en continuant de conserver leurs caractères nationaux, culturels, propres. Troisième ouvrage, le plus étrange, difficile à traduire, il a été traduit chez Gallimard. Oui, alors, les livres de Saskia Sassen ont tous été traduits dans une vingtaine de langues, hein. C'est un succès mondial. Du Moyen-Âge à nos jours, on pourrait traduire ça comme ça, de nouveaux assemblages de territoires, d'autorité et de droits. Alors, ce livre étrange dit emprunter la notion d'assemblage ou d'agencement à Deleuze et Guattari. Et finalement, parle assez peu des migrations internationales, mais il fait quand même partie de tout le système Sassen. Sassen parle des systèmes, mais il y a aussi un système Sassen. Et elle passe en revue un ensemble extraordinairement hétéroclite de phénomènes, mais assure-t-elle, et c'est ça sa ruse, c'est précisément dans la nature de ces assemblages d'être hétéroclite. Ces phénomènes sont d'ordre juridique, économique ou politique, et ils marquent à ses yeux une avancée de la mondialisation et minent toujours plus les souverainetés nationales, tout en utilisant pour ce faire les appareils d'État. Alors, quelques exemples. Les normes internationales de construction décidées directement par les géants mondiaux du génie civil. Donc, il y a toute une analyse de ce phénomène. C'est assez étonnant. Le dépôt international de brevets, qui n'a plus grand-chose à voir avec les États, même s'il existe des dépôts nationaux de propriété intellectuelle à l'échelle nationale. Enfin, ce qui compte, c'est le dépôt international. Autre exemple, et oui, c'est très hétéroclite, l'interférence de la Cour pénale internationale dans les juridictions nationales. Les collectifs internationaux de militants qui se portent partie civile dans le monde entier. Encore un exemple de ces assemblages nouveaux et extra-nationaux. L'emprise accrue des droits de l'homme à travers la planète. Alors là, vous voyez qu'on touche quand même à la question de la migration, etc., etc. Donc autant de facteurs de dénationalisation, comme elle le dit, des entités qui étaient historiquement constituées. À mes yeux, conclut Sassen, de tels changements creusent la distance entre l'État et les citoyens, remettent en cause l'une des contributions essentielles des révolutions françaises et américaines, l'idée que le peuple est l'État et que l'État est le peuple. Et ça, c'est très sassénien, c'est des phrases comme ça, un petit peu générales, qui frappent, qui sont éloquentes. Après, on se dit, bon, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Alors, ce livre est étrange, non seulement par son côté catalogue à la Prévert, mais par le fait que Saskia Sassen, un peu comme Bourdieu dans la seconde phase de Bourdieu, le Bourdieu, la misère du monde, elle devient un défenseur de la conception traditionnelle de l'État comme garant de l'identité, notamment de l'identité pour le peuple. Alors que sa description de la globalisation avait pu donner l'impression qu'à ses yeux, l'État avait cessé de compter. Et on comprend, en lisant ce troisième ouvrage, que la théorie du dépérissement de l'État, développée par Sassen, qui semblait finalement s'inscrire dans le paradigme traditionnel de la théorie marxiste, en fait cachait une nostalgie de l'État protecteur keynésien, dont elle salue les réalisations d'antan. Quatrième ouvrage, le plus récent, lui aussi traduit, « Expulsion, brutalité et complexité dans l'économie du monde ». cette nostalgie de l'État transparaît bien dans cet essai récent, qui est moins long que les précédents, hein, il ne fait que 300 pages. Et tous les traits que j'ai signalés à propos des ouvrages précédents, ils sont accentués à l'extrême. Des années 40 aux années 70, soutient sa scène, le système, entendez, le système capitaliste mondial, incorporait le maximum de gens au sein des États, mais pour en faire des consommateurs. Cette logique keynésienne n'était pas philanthropique. Le système devait absorber les consommateurs pour assurer la production de masse, consommation de masse, la construction massive de logements, etc. Mais tout change dans les années 80, finalement avec les années Reagan et Thatcher, avec les plans d'ajustement structurel du FMI. Et Sassen souligne alors l'émergence d'un paradoxe pervers qui est l'essor des nouvelles technologies qui requièrent des percées scientifiques absolument inouïes, le déploiement de talents exceptionnels pour lesquels elle exprime toute son admiration, mais enfin qui s'accompagne finalement pour fabriquer les produits en question, qui s'accompagne notamment du développement d'une industrie extractive. Extraction, c'est un mot très fort chez elle, évidemment polysémique. Industrie extractive, par exemple, de métaux rares, qui accapare les terres, notamment en Afrique subsaharienne, qui ravage les territoires périphériques du pays du Sud, avec à la clé l'expulsion brutale de populations entières. Et c'est l'exemple mis en exergue par Sassen. À partir de là, elle généralise le propos. À mesure que l'activité prédatrice des multinationales étend son emprise sur les nations périphériques, mais aussi sur les zones périphériques des pays du Nord, dans une sorte de seconde colonisation, à la fois externe et interne, eh bien, à mesure que tout ceci se développe, se déploie, le monde se complique, c'est le titre de l'ouvrage, et se brutalise. Sassen parle d'expulsion systémique, systemic expulsions. Elle revendique, le style de Sassen est assez particulier, elle revendique l'usage d'une rhétorique brutale pour parler des choses brutales. Hein. Par exemple, pour décrire une réalité brutale, il faut mettre au rancard, dit-elle, les concepts d'exclusion sociale, de pauvreté, d'inégalité, de discrimination, que les chercheurs se sont appliqués à théoriser depuis des décennies. Ce sont des concepts devenus trop convenus, trop mous, trop tendres. Il faut déthéoriser tout cela. C'est un thème important chez Saskia Sassen, to de-theorize, et pour le re-théoriser d'une toute autre manière. La machine conceptuelle de Saskia Sassen broie les vieux concepts de la science sociale pour en faire surgir de nouveaux, comme le concept d'expulsion qui va remplacer exclusion. C'est une stratégie de revival linguistique, de remotivation au sens saussurien du terme. Et sa scène se justifie en expliquant que l'exclusion, c'est encore un déplacement à l'intérieur du système, alors que l'expulsion, c'est un déplacement qui vous rejette hors du système. Bon, c'est une dichotomie qui est quand même pour le moins forcée, parce que l'exclusion, si on fait abstraction évidemment de l'usure du mot, de son inscription dans la routine administrative, implique déjà une idée d'expulsion. Alors, concrètement, qu'est-ce que cela recouvre? En quoi cela nous éclaire-t-il sur les ressorts des migrations? Alors, j'extrais d'une interview de la déclaration suivante, que je vais vous traduire. J'utilise « expulsion » pour décrire une diversité de conditions. Le nombre grandissant, alors ça c'est un problème, est-ce que c'est vraiment grandissant? Donc, elle utilise pas mal de statistiques, elle publie beaucoup de statistiques qui notamment viennent des organisations internationales, de l'ONU, ou qui peuvent venir de certaines ONG. Donc, le nombre grandissant des personnes qui sont dans une pauvreté abjecte, des personnes déplacées dans les pays pauvres qui sont warehoused, qui sont parquées dans des camps de réfugiés formels ou informels, les personnes minorisées ou persécutées des pays riches, qui sont parqués dans les prisons. Et là, c'est un sujet fondamental pour elle, c'est l'extraordinaire taux d'emprisonnement propre aux États-Unis. Il y a un taux d'incarcération absolument fabuleux dans les records mondiaux, et qui vise évidemment principalement les Noirs, les Afro-Américains. On continue la liste. Des travailleurs dont les corps sont détruits par le travail, qui sont à bout de force, rendus inutiles à un âge beaucoup trop précoce. Des personnes qui sont physiquement aptes, mais qui sont en surplus et qui sont parquées dans les ghettos et des bidonvilles. Et elle poursuit, j'inclus aussi le fait que les fils et les filles de ce qui est actuellement les classes moyennes vont avoir des niveaux d'éducation plus faibles, des revenus plus faibles et des chances de devenir propriétaires bien plus faibles que celles de leurs parents. Vous voyez, là, on a un phénomène complètement différent, qui est la question du déclassement. Parce que le déclassement, c'est une forme d'expulsion, hein, c'est ça que nous dit Sassen. Les données disponibles aux États-Unis le montrent déjà, l'attestent déjà, et c'est aussi, continue-t-elle, une forme d'expulsion que le fait que ces projets ou ces promesses de classe moyenne, finalement, sont déjoués par rapport à ce que les décennies keynésiennes avaient promis. Bon. Alors, dans un article de revue intitulé « Expelled », donc « Expulsé »,« Humans in Capitalism's Deepening Crisis », la crise qui s'approfondit, les humains ou l'humanité dans la crise du capitalisme qui ne cesse de s'accentuer, bon, ce sont toujours des termes très, très généraux, elle explique que ce catalogue d'expulsion fait sens. Je considère que ce phénomène d'expulsion massive renvoie en fait à une transformation systémique plus profonde, qui est documentée en pièces détachées, in bits and pieces, dans de nombreuses études spécialisées, mais dont on omet de raconter qu'il s'agit en fait d'une dynamique globale, globale au sens français du terme, an overarching dynamic, qui nous emporte dans une nouvelle phase du capitalisme mondial. Donc vous voyez, une série de choses disjointes en pièces détachées, mais qu'elle va réunir par la référence à une dynamique globale. Le 6 février 2015, Saskia Sassen était interrogée dans le quotidien Libération par Cécile Doma sur son livre « Expulsion » et elle donne les exemples suivants. Alors, Saskia Sassen, donc, je vous le disais, est tout à fait capable de donner des interviews en français. En Occident, l'exemple courant est celui des travailleurs à faible revenu et des chômeurs qui perdent protection sociale et allocation chômage. Aux États-Unis, là elle fait référence à la crise des subprimes, 14 millions de ménages ont été chassés de leur maison après la crise de 2008. Les crédits d'accession à la propriété avaient été transformés en produits financiers à haut risque. Ce sont aussi les millions d'agriculteurs expulsés de leurs terres en raison d'un fort mouvement spéculatif. Plus de 200 millions d'hectares ont été acquis par des investisseurs ou des gouvernements étrangers depuis 2006. Alors ça, c'est une donnée statistique en fait mondiale et une grande partie des données qu'elle évoque ici concernent l'Afrique subsaharienne. Donc, d'une certaine manière, poursuit Sasken, toujours dans la même interview, la Grèce est emblématique de cette dynamique. Dans leur brutalité simple, les plans d'austérité imposés par les institutions internationales expulsent de façon massive et rapide les classes moyennes, modestes ou pas, de leurs emplois, des services médicaux ou sociaux, et plus largement de leurs foyers. Alors, ce serait intéressant de savoir ce qu'elle pense, par exemple, des expulsions qu'on peut observer au Venezuela actuellement. Le programme d'austérité de l'Union européenne, dit-elle, a forcé les États à vendre sur le marché international et à bas prix une grande proportion de bâtiments nationaux qui avaient de la valeur. Alors ça, c'est encore un tout autre sujet. C'est le patrimoine national qui est vendu, privatisé par les États. C'est une forme de nettoyage économique. Alors, la journaliste s'étonne et objecte, enfin, est-ce que c'est pas une liste à la Prévert, hein, c'est l'expression qu'utilise la journaliste. Derrière la diversité de ces cas, y a-t-il une logique commune? C'est la question de la journaliste, qui est une bonne question. Réponse, il y a une logique commune, mais elle est encore conceptuelle et souterraine. Aujourd'hui sont à l'œuvre ce que j'appelle des formations prédatrices. Il ne s'agit plus de dire que des personnes très riches s'arrogent fortune et pouvoir. Nous avons plutôt affaire à des entités qui comprennent aussi bien des éléments humains que non humains, comme les logiciels de la finance. Alors là, il y a une inspiration très claire qu'elle reconnaît de Latour. Ces formations sont des assemblages d'agents économiques puissants, de marchés, de technologies et de gouvernements. Ce ne sont plus simplement des individus des entreprises les plus riches ou des gouvernements les plus puissants. Et alors, la journaliste insiste, mais vous poussez même votre raisonnement jusqu'à inclure les réfugiés et les prisonniers. Sa réponse, les Nations Unies totalisent 60 millions de réfugiés ou de déplacés à travers la planète. Tous ceux qui sont exclus sont-ils si différents? Il y a une sorte de symétrie entre ces individus et ceux qui sont, par exemple, emprisonnés aux États-Unis. Aujourd'hui, un Américain sur 100 est incarcéré, ce qui représente 7 millions de personnes, avec tous ceux en liberté conditionnelle. Ils sont commis hors du monde. Plus généralement, les expulsions créent de nouveaux territoires, invisibles dans leur matérialité. Ce sont comme des terres mortes. Alors, dans ce livre, il y a tout un chapitre qui est très écologique. Elle s'intéresse de plus en plus à la question écologique, qui s'appelle « Terres mortes et mers mortes », sur les ravages donc, de la surexploitation des terres. Les plus pauvres sont rejetés dans un autre espace. Leur condition est devenue si banale qu'on ne la voit plus. Ces processus ont lieu partout, dans les pays du Sud, comme aux États-Unis et désormais en Europe. Et prises ensemble, ces diverses expulsions pourraient bien avoir un impact plus important sur le façonnement de notre monde que la croissance économique rapide de l'Inde ou de la Chine. Ces forces destructrices ne sont pas forcément toutes interconnectées. En fait, il faut plutôt les envisager comme traversant nos bornes conceptuelles, dépassant nos repères habituels et historiques. Alors là, c'est assez subtil, c'est assez rusé. Bon, toutes ces choses en pièces détachées, oui, ont une cause unique, mais en même temps, ne sont pas vraiment raccordées. Je ne peux pas prouver la causalité qui relie tout ça. Et il y a eu, dans des revues américaines, des discussions très précises de cet argument-là. Mais qu'en est-il, finalement, de la causalité, de l'imputation de causalité dans les écrits de Saskia Sassen? Alors ça me fait toujours penser à... Ce sont les Pyrrhoniens, les philosophes antiques, qui avaient dit des choses tout à fait intéressantes. Il y a plusieurs façons d'expliquer les choses. On peut expliquer l'apparent par l'apparent, l'apparent par le non-apparent, le non-apparent par le non-apparent, etc. Enfin, toute la combinaison est possible. Et donc là, on a des exemples où on explique le visible, mais par l'invisible, par le souterrain, par le caché. Et on n'a même pas besoin d'expliquer en quoi c'est vraiment interconnecté, parce que la difficulté qu'on a à interconnecter tout ça, eh bien, c'est une difficulté conceptuelle qu'il faut accepter en tant que telle. Et ça fait partie, en quelque sorte, du mystère que les connexions entre tous ces éléments restent mystérieuses. Alors, vous voyez que là, évidemment, la théorie se protège parce que c'est impossible à réfuter. C'est impossible à valider ou impossible à réfuter. Et c'est quand même tout le problème de cette théorie extrêmement générale qui s'en prennent comme ça à des entités qui ne sont même pas... C'est pas complotiste au sens... c'est pas du Front National qui va aussi, ou du Rassemblement National qui va aussi s'en prendre au capitalisme mondial, finalement. Là, on explique même que ce système a un côté impersonnel, objectif, et que les personnes, finalement, comptent assez peu par rapport au dispositif. Et ça ressemble pas mal, effectivement, au structuralisme très objectivant des années 60, et le fait de citer Deleuze et Guattari sur les arrangements est assez révélateur, me semble-t-il. Alors, nous avons un précédent en France, qui est l'émergence du mot « exclusion » dans le vocabulaire administratif dans les années 70. En 1974, et certains d'entre vous s'en souviennent, René Lenoir, un haut fonctionnaire qui avait l'oreille de Valéry Giscard d'Estaing, publie un essai qui va devenir rapidement un best-seller, « Les exclus, un Français sur 10 ». On est juste à la charnière, hein, la guerre du Kippour, la crise du pétrole, etc. Enfin, on est dans cette période charnière où la France va basculer dans un autre régime économique. Et Lenoir, d'ailleurs, quelques mois après la parution de ce livre, le grand écho qu'il a rencontré, Lenoir a été nommé secrétaire d'État à l'action sociale par Valéry Giscard d'Estaing. Et son livre, qui s'achevait sur l'annexe statistique, était un catalogue à l'après-Vert. Je reprends de nouveau cette expression que les Français aiment bien. On le retrouvait pêle-mêle, et je cite, « les personnes âgées sans ressources, les handicapés physiques, les handicapés mentaux, les aliénés, les mineurs en danger ou délinquants, les drogués, les résidents en logement insalubre, les suicidaires, les alcooliques, les délinquants adultes, il n'y a pas que de la délinquance juvénile, il y a aussi de la délinquance sénile, ça peut arriver, les marginaux sociaux, bref, il y a aussi les blessés graves de la route, parce qu'on discutait beaucoup à cette époque de la limitation de vitesse, qui a changé à plusieurs reprises dans les années 70. Donc, vous voyez, tout ceci est rassemblé dans l'annexe statistique de Lenoir et on arrive à des millions de personnes, un Français sur 10. C'est à cette époque qu'apparaît en France, dans le vocabulaire des politiques publiques, les notions d'exclusion et d'exclu, de lutte contre l'exclusion sociale, qui sont aujourd'hui tout à fait banales, hein, qui sont complètement entrées dans notre vocabulaire. Mais je me rappelle que dans les réunions européennes, par exemple, les chercheurs et les fonctionnaires britanniques résistaient farouchement à l'emploi du mot « exclusion ». Ils jugeaient cette notion beaucoup trop intentionnelle, trop complotiste finalement, comme on ne disait pas encore à l'époque. Comme si la privation était l'effet d'une volonté délibérée d'exclusion. Quelques années plus tard, les Anglais sont devenus de très grands promoteurs de la notion de social exclusion. Ils l'ont même complété par son pendant, qui est la social inclusion, qui a eu moins de succès en France. Pourquoi ? Parce qu'en France, nous avons intégration, et qui a en quelque sorte fait concurrence à l'expression social inclusion. Et je me rappelle, toujours sur l'exemple d'exclusion, que lorsque l'administration française, donc sous la présidence de Giscard d'Estaing, a commencé à mettre en œuvre des programmes de lutte contre l'exclusion, eh bien, la revue de Pierre Bourdieu, Actes de la recherche en sciences sociales, a publié en 1978 un article tout à fait ravageur de Jeannine Verdès-Leroux qui dénonçait le caractère totalement hétéroclite des phénomènes réunis sous le chapeau de l'exclusion. Alors, le mot « expulsion » qui est promu par Saskia Sassen va-t-il connaître le même fabuleux destin que celui de l'exclusion ? Aurons-nous un jour, en France et en Europe, des programmes officiels de lutte contre les expulsions, comme on a des programmes de lutte contre l'exclusion ? Des programmes qui bénéficieraient aux personnes expulsées de leur logement, aux migrants expulsés, aux demandeurs d'asile déboutés, aux malades qui ne peuvent avoir accès aux soins, etc. C'est une question qu'on peut légitimement se poser, même si je n'ai pas moi-même la fougue prophétique de Saskia Sassen. Alors évidemment, il faut regarder dans la manière de travailler de Saskia Sassen, il y a beaucoup d'idéalisation du passé. Et lorsque les historiens se penchent réellement sur toutes les affaires, ils constatent qu'en réalité, évidemment, il y a eu beaucoup d'exclusions et d'expulsions dans le passé. Par exemple, Viviana Zelizer publié une grande étude sur l'enfance aux États-Unis dans la période 1870-1950, et elle montre que le 19e siècle connaissait des formes de destruction du capital social, comme on dit, de destruction des liens familiaux pour les nouveaux entrants, lorsqu'on plaçait les jeunes enfants, surtout ceux issus de relations extra-conjugales, chez des nourrices ou en apprentissage dans les campagnes environnantes. Et ceci, évidemment, a été également fait de façon considérable en Europe également. Encore, à la veille de la Révolution française, un enfant sur deux, à l'âge de 11 ans, était décédé. Il y avait 500 000 enfants qui mouraient avant l'âge de 11 ans. Donc, l'idée que les choses vont de pire en pire, que l'exclusion, la destruction, etc., est une machine qui avance, etc., c'est quand même beaucoup plus compliqué. Hein. Il y a des destructions, il y a aussi la destruction créatrice, mais il ne faut pas non plus en avoir une vision angélique. Enfin, là, c'est tout le problème du regard, c'est qu'évidemment, quand on est historien, on perçoit beaucoup plus facilement les continuités que les ruptures. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le cours du démographe sociologue François Héran, sa série « Pourquoi migrer ?». Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de François Héran. Il a publié à la Découverte en 2017 l'essai intitulé « Avec l'immigration, mesurer, débattre, agir ». Sa leçon inaugurale est publiée chez Fayard. Iconographie et site web Claire Poinsignon et Marion Barsac. Réalisation Laure-Hélène Planchet. Présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous poursuivrons en compagnie de François Héran son interrogation et sa lecture critique des théories des migrations. Et dans quelques instants, nous retrouverons les petits matins. Je vous souhaite une agréable journée à l'écoute de France Culture.